Dans le classique enfoiré. Y'a les faibles haut placés, loin d'être fiers de nos passés. J'entends, je vois les faux brassés, je vais tout brûler, reculer, j'ai le flot brasier. Y'a les faibles haut placés, loin d'être fiers de nos passés. J'entends, je vois les faux brassés, je vais tout brûler, reculer, j'ai le flot brasier. À chaque démon, j'élimine ma cible. Combat mes démons, mais l'ennemi est massé. C'est vrai, je pourrais abandonner face à l'usure de l'indé. Mais j'ai vite compris que je trouverais pas mon salut sur le rinté. Brûle la prodosie, pour j'ai pas d'estime, pas l'esté. Comme le rôle Zico, c'est Palestine, pas l'esté. Pour sortir de la merde, je suis pas ceux qui pensent que la paresse bien. Un jour, tu comprendras que j'assume pas ta mère par respect. Dur d'évacuer le malaise, mon gars laisse béton. On sent pas les couilles de qui t'a validé. Dans les narines, pas de ça, j'envoie un tartis béton. Mais qui aura pas douille, mais que de la qualité. Dans tes culs, t'es calibré. Moi aussi, je pourrais le faire. Un tas de récits à livrer. Dans les esprits, je vais rester, trop de respect pour les frères. Pour ce monde de fou, j'ai pas le temps. Où t'es à où tout est partant. De la merde ce rap, tout se boycott. Mais quand tu perceras, ils te trouvent tout c'est pas tant. La vérité coup c'est battant. J'ai dû redoubler d'efforts pour que les portes s'ouvrent. On reste tous aux évadants. Mais quand je vois un démis embarqué par les portes, je souffre. Ce mec soucieux qui rêve d'un monde à part. Je m'en fume seul et ça pue le seum dans mon appart. C'est pas déjà frère la même empire. Je construis un empire, la main sur le cœur comme Bonaparte. Y'a les faibles haut placés, loin d'être fiers de nos passés. J'entends, je vois les faux brassés, je vais tout brûler, reculer, j'ai le brasser. Y'a les faibles haut placés, loin d'être fiers de nos passés. J'entends, je vois les faux brassés, je vais tout brûler, reculer, j'ai le brasser. Y'a les faibles haut placés, loin d'être fiers de nos passés. J'entends, je vois les faux brassés, je vais tout brûler, reculer, j'ai le brasser. Y'a les faibles haut placés, loin d'être fiers de nos passés. J'entends, je vois les faux brassés. Tu veux ton paradis est un enfer. Les caméras te fixent, va falloir filer à l'anglaise. Tu cherches le droit chemin, c'est vers le vice que ça t'entraîne. Tu voulais faire la star, t'es pas ravi de ta antenne. J'avais des rimes en stock, j'débarque pour larguer le tout. Comme le jeu du foulard, j'suis venu pour marquer le coup. On est des rats, des goûts qui squattent les bars et boum. Mise à l'écart par cet état qui veut bébarquer des sous. Tu pries pour ceux qui vivent l'horreur et puis qu'on prive d'honneur. Tu tombes, je tombe, c'est pas rare, tout comme les Twin Towers. Beaucoup font de la merde, tu sens ces petites odeurs. Vécu monter toutes pièces, c'est pas des rappeurs, c'est des bricoleurs. Un triste spectacle rude se ferme. Dehors, ça migrave des kilos d'herbe. Mis dans des sacs isothermes. Quoi? L'avenir un détail, donc au final les minos perdent. L'amour t'es vide je pense. Ta route est vide de chance. Quand tu savoures ta ligne de blanche. Ça roule, ça tisse, ça trempe sur toute l'île de France. Ma tête est blindée de regrets cachés. Coincé sur ma galère, j'dérive à blindes. Tu sais que depuis ce monde me fait marcher. J'comprends mieux pourquoi on me disait tire à loin. Les forces goinfrées, les plus faibles aigus sans aucune aide. Je vois le bout du tunnel, mais sans jumelles, c'est rude. La haine est une prison, faut s'en faire tête, c'est le. Si je restais dans le sens sur être, c'est mieux pour moi trouver le sommet. C'est clair que si c'est pas besoin du rêve, c'est nul. Y'a les faibles haut placés, loin d'être fiers de nos passés. J'entends, je vois les faux brassés, je vais tout brûler, reculer, j'ai le brasser. Y'a les faibles haut placés, loin d'être fiers de nos passés. J'entends, je vois les faux brassés, je vais tout brûler, reculer, j'ai le brasser. Y'a les faibles haut placés, loin d'être fiers de nos passés.